Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Car la vie ne convient certainement qu'avec la concrétisation de l'adoration d'Allah Azzawajal. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre se rendront très certainement auprès du Tout Miséricordieux asservi. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullahu ta'ala. Dis certes, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj au Yémen. Et l'appel des prophètes et des envoyés n'a été établi que dans le but de concrétiser la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Il est obligatoire pour chaque individu de désirer ardemment la concrétisation de la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Sermon numéro 3, Al-Ubudiyya, la dévotion à Allah. Alors que celui qui désire la félicité pour sa propre âme concrétise la dévotion à Allah. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne peut être guidé. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée, qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. « Ya ayyuha alladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. « Ya ayyuha alnaasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba » Ô vous les gens, Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, à partir de celui-ci, a créé son épouse, puis qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentaux, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse afin qu'il vous corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés, et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est celle qui a été inventée, et toute chose inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah a dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqoon. » Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont précédé. Peut-être atteindrez-vous la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne cherche pas d'eux qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil wali إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Adorez Allah et ne lui associez rien. Et faites preuve de bienfaisance envers vos parents, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le compagnon, le voyageur, ainsi que vos esclaves. Certes, Allah n'aime pas la personne prétentieuse et arrogante. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Et nous avons certainement envoyé dans chaque communauté un messager leur disant: adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui, le tâghout. Il en est ainsi parmi eux qu'Allah guida, et d'autres qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la destinée de ceux qui traitaient les messagers de menteurs. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé aucun messager avant toi à qui nous n'ayons révélé: il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté moi, adorez-moi donc. Ainsi, il est très clairement exposé à travers ces versets que l'affaire la plus noble dans cette vie d'ici-bas et la plus honorable que l'être humain puisse prendre en exemple est l'adoration du Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Et ceci englobe tous les instants de l'être humain, son éveil, son sommeil, son activité, son repos, car l'adoration est un mot général qui regroupe l'ensemble des actes qu'Allah aime et agrée. Ô vous les gens, Allah n'a certes pas honoré un serviteur plus qu'il ne l'a honoré par l'établissement de son obéissance ainsi que de son adoration subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. En vérité, les alliés d'Allah, nulle peur pour eux, et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient en Allah et le craignent, à eux la bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Nul changement aux paroles d'Allah, voilà l'énorme succès. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a informé que ses alliés, ceux qu'il protège, dont il combat les ennemis, que ce sont ses serviteurs subhanahu wa ta'ala, ceux qui le craignent, ceux qui croient en lui, en secret ou publiquement, de façon apparente ou cachée. Alors sois ainsi, ô serviteur d'Allah, de ceux qui sont véritablement des adorateurs d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala a certes informé des choses terribles qui se passeront le jour de la résurrection, et dont en sera préservé uniquement ceux qui auront concrétisé la dévotion à Allah, le Seigneur des mondes, parmi les prophètes et ceux qui les auront suivis parmi les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Et rappelle-toi nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Yaqub, puissants dans leur dévotion à Allah et clairvoyants. Nous avons fait de l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Et ils sont certes auprès de nous parmi les meilleurs élus. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en le décrivant comme étant dévoué à son Seigneur tout en ayant le rang de la prophétie et de la transmission du message. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi dit: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit de la sainte mosquée de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa, d'où nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. C'est certes lui l'audient, le clairvoyant. Et il est son prophète et élu. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: فأوحى إلى عبده ما أوحى. Et il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Il en est ainsi. Quiconque concrétise la dévotion à Allah Azza wa Jal devient soumis, obéissant envers lui subhanahu wa ta'ala, dans ses paroles, ses actions, ses gestes, ainsi que dans l'ensemble de ses mouvements et de son inactivité, devenant dès lors entièrement et véritablement dévoué à Allah et asservi à lui subhanahu wa ta'ala. Allah a dit subhanahu wa ta'ala: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis certes, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Et ces choses terribles qui se passeront le jour de la résurrection, personne n'en sera délivré et sauvé, excepté celui qui aura concrétisé l'agrément d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ثم لنحن أعلم بالذي هم أولى بها سريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين بها جزيا. Et il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui ont craint leur Seigneur et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. Quelqu'un t'a questionné au sujet d'un châtiment inéluctable pour les mécréants que personne ne pourra repousser. Venant d'Allah, le maître des voies ascensionnelles, les anges ainsi que l'esprit Jibril montent vers lui en un jour dont la durée équivaut à 50 000 ans. Supporte donc d'une belle patience. Ils, les mécréants, voient le châtiment bien loin, alors que nous le voyons bien proche, le jour où le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون. Et ils te demandent de hâter l'arrivée du châtiment, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Ce jour dont vous venez d'entendre le rappel, la durée, l'étendue, s'écoulera pour certains parmi les gens, alors qu'ils seront en paix sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla. Et pour d'autres, il s'écoulera, alors qu'ils seront dans un état de frayeur extrême, de peur, d'épouvante et de détresse. Dans cette situation, tout le monde sera selon la dévotion qu'il avait pratiquée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, s'il fut correctement dévoué à Allah, que ce soit par l'application du monothéisme pur, at-tawhid, de la sincérité, ou en ayant été véridique avec lui, ce jour s'écoulera pour lui alors qu'il sera en paix sous l'ombre du trône d'Allah. En revanche, s'il fut parmi les gens du faux, dont Allah a informé de leurs différents états d'une extrême gêne, ainsi que du châtiment et du long stationnement qui leur fera durer cette situation jusqu'à en espérer que soit avancé leur jugement, quand bien même le verdict soit pour eux l'enfer, qu'Allah m'en préserve ainsi que vous, comme tout cela a été rapporté dans le long récit de l'intercession. Serviteur d'Allah, dans cette terrible situation durant laquelle se rapprochera le soleil des têtes des créatures. Il n'y aura d'ombre excepté celle du trône du tout miséricordieux, où ne se trouveront que ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le récit de Abu Huraira radiyallahu anhu, et dans d'autres récits authentiques d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: cette catégorie de gens qu'Allah placera en paix sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, un imam qui aura été juste, un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur aura été attaché aux mosquées, deux hommes qui se seront aimés pour Allah, se seront rassemblés pour lui, puis séparés pour lui, un homme qui aura invoqué Allah sincèrement à tel point que ses larmes auront coulé, un homme à qui une femme de haut rang et belle aura fait des avances, puis l'aura repoussé en lui disant: certes j'ai peur d'Allah, le Seigneur des mondes, et un homme qui aura fait don d'une aumône secrètement à tel point que sa main gauche n'aura pas su ce que sa main droite aura donné. Il commença ainsi par mentionner un imam qui aurait été juste, dont le bienfait est profitable aux musulmans, et dont le méfait, s'il est corrompu et perverti, cause préjudice aux musulmans. Il est donc responsable d'autrui. C'est pour cette raison que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam débuta par le guide religieux, avant toutes les autres catégories, parce que s'il est équitable, il sera parmi ceux qui méritent d'être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de cette difficile situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les gens équitables seront sur des tribunes de lumière le jour de la résurrection, ceux qui sont justes avec leurs proches dans leur jugement ainsi que dans leur autorité. Ainsi, celui qui est juste dans ses jugements, avec sa famille, dans ses paroles et son autorité, mérite d'être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla le jour où la sueur de certaines personnes atteindra leurs oreilles, comme il a été rapporté dans les deux recueils authentiques, dans le récit d'Ibn Omar radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens se tiendront devant leur Seigneur le jour de la résurrection jusqu'à ce que la sueur de certains d'entre eux atteigne leurs oreilles. C'est-à-dire que les gens se différencieront les uns des autres dans cette situation. Il n'y en aura parmi eux dont leur sueur atteindra le niveau de leur cheville, et d'autres le niveau de leur hanche, et d'autres dont leur sueur les recouvrira abondamment. C'est ainsi que tout cela a été rapporté dans le récit d'Al-Miqdad radiallahu anhu, et ceux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'un exposé clair et manifeste concernant la différenciation des gens dans cette situation selon le niveau d'adoration qu'ils vouaient à Allah et leur droiture dans la vie de ce bas monde. Alors que celui qui désire la félicité pour sa propre âme concrétise la dévotion à Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette catégorie de gens qu'Allah placera en paix sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, un imam qui aura été juste, puis il dit, et un jeune homme qui aura grandi dans l'adoration d'Allah, avec tout ce que comporte et implique cette parole comme sens. Car il y en a parmi les gens qui ne concrétisent pas leur dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans leurs habits, leur barbe, leur oui, ou leur nourriture et leur boisson. Et il y en a d'autres, et le refuge contre tout mal est auprès d'Allah, qui ne concrétisent pas cette dévotion dans l'unicité même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a certes exposé qu'il n'a créé les serviteurs que dans l'unique but de l'adorer exclusivement. Il a dit subhanahu wa ta'ala: wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé de messager ni dépêché de prophète sans qu'il ne lui ait ordonné et lui ait imposé d'avertir sa communauté et qu'il les incite à l'adoration d'Allah et qu'il les avertisse du danger de l'insoumission et de la transgression de son ordre ainsi que de son interdit. Et il n'y a aucun doute quant au fait que toutes les créatures parmi les djinns, les êtres humains, les animaux et l'ensemble des êtres vivants sont tous soumis à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose visée par la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala est son obéissance azza wa jalla, car notre Seigneur a dit subhanahu wa ta'ala: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre se rendront très certainement auprès du tout miséricordieux asservi. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et le jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Et la concrétisation de la dévotion à Allah est une chose demandée et obligatoire. Et tu ne peux pas être considéré comme étant serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala dévoué partiellement, c'est-à-dire dans une affaire sans l'être dans une autre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhal ladhina amanu dhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah azizun hakim. Oh, vous qui croyez, entrez pleinement dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis si vous fautez, après que l'épreuve vous soit venue, sachez alors qu'Allah est puissant et clément. Allah les a ainsi nommés croyants et les a caractérisés par la foi et leur a imposé la droiture, la soumission et la dévotion et l'obéissance. Et après leur avoir ordonné d'entrer entièrement dans l'islam, il l'a dit subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhalladhina amanu dhulu fissilmi kafa, wa la tattabi'u khutwati shaytan, innahu lakum aduun mubin. » Ô vous qui croyez, entrez pleinement dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Il les a ainsi nommés croyants et établi pour eux la foi. Et avec cela, il les a exhortés à se soumettre à lui pleinement, à lui obéir et à se dévouer à lui subhanahu wa ta'ala. Parmi les dangers qui guettent le musulman, il y a le fait qu'il ne s'asservisse à Allah que selon la volonté de son âme, et seulement si cela convient à ses passions. Ainsi, si cela correspond avec ses envies, il est alors un serviteur, et il argumente dans ce sens, en s'appuyant sur des textes tirés du livre d'Allah et des enseignements de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devenant dès lors un serviteur. Mais si cela va à l'encontre de ses passions et de ses envies, il fléchit et se relâche et revient sur ses pas. Et ainsi, il ne s'asservit pas dans ce qu'il n'a pas envie. Et à cause de cela, il devient injuste envers lui-même. Et dans son jugement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidani wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqir fallahu awla bihima fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu fa in ou t'uridou, fa inna Allah kana bima ta'manuna khabira. Ô vous les gens qui croyez, observez strictement l'équité et soyez des témoins véridiques en Allah, fût-ce contre vous-même, vos parents ou vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah a priorité sur eux. Ne suivez donc pas les patients afin de ne pas dévier de la justice. Et si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi commandé le dévouement, y compris dans le jugement de sa propre âme, car le musulman est un serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala qui s'emploie à son dévouement ainsi que dans son commandement et son jugement dans toutes les affaires de sa vie azza wa jalla. Grand bien à celui qui concrétise la dévotion à Allah azza wa jalla. Certes, Allah a commandé ses serviteurs de se dévouer à lui et leur a ordonné de faire des invocations dans ce sens, comme il est mentionné dans la sourate Al-Fatiha, dans leurs prières et dans d'autres sourates aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. C'est-à-dire, nous ne voulons, par l'adoration que nous te vouons, que toi seul, et nous ne t'associons rien. Et après leur avoir commandé d'avoir une intention pure dans l'adoration qu'il lui voue, et aussi de corriger l'adoration qu'il lui voue, il leur ordonna d'implorer son secours, Azza wa Jal, afin d'y parvenir et de concrétiser la chose. Car la vie ne convient certainement qu'avec la concrétisation de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Sinon cela pervertirait cette vie d'ici bas et celle de l'au-delà. Et regarde les caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées dans ce récit. Un imam qui aura été juste, un jeune homme qui aura grandi dans l'adoration d'Allah et un homme dont le cœur aura été attaché aux mosquées. Deux hommes qui se seront aimés pour Allah, se seront rassemblés pour lui puis séparés pour lui. Un homme qui aura invoqué Allah sincèrement à tel point que ses larmes auront coulé. Un homme à qui une femme de haut rang et belle aura fait des avances puis l'aura repoussé en lui disant certes j'ai peur d'Allah le Seigneur des mondes. Et un homme qui aura fait don d'une aumône secrètement à tel point que sa main gauche n'aura pas su ce que sa main droite aura donné. Et parmi eux, un jeune homme qui aura grandi dans l'adoration d'Allah, c'est-à-dire dans son obéissance, qui se sera préservé de dépasser ses limites et aura suivi la tradition prophétique de son messager sallallahu alayhi wa sallam, la sunna. Et parmi eux, un homme dont le cœur aura été attaché aux mosquées, c'est-à-dire qui les aura remplis par l'adoration d'Allah, par l'accomplissement de la prière en leur sein, ainsi que son asservissement à lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit... في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dans des maisons qu'Allah a permis d'être bâties, les mosquées et dans lesquelles son nom est invoqué, il le glorifie en son sein, matin et après-midi. Des hommes qui ni le commerce, ni le négoce ne distraient de l'invocation d'Allah et de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de l'aumône obligatoire, la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont œuvré comme bien et leur ajoute de sa grâce. Et Allah attribue à qui il veut sans compter. Et parmi eux, il mentionna deux hommes qui se seront aimés pour Allah, se seront rassemblés pour lui, puis séparés pour lui. Certes, les gens qui s'aiment mutuellement sont nombreux, et ceux qui se visitent sont nombreux, et ceux qui se lient d'amitié sont nombreux. Or, il y en a certains parmi eux qui se lient à des fins passionnelles pour assouvir un désir, et d'autres qui aiment et souhaitent par cela atteindre un objectif ou acquérir des subsistances mondaines et autre chose encore. Mais l'amour par lequel on obtient la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et par lequel la personne sera placée sous l'ombre de son trône est celui qui n'est établi que par dévotion à Allah azza wa jal et pour gagner son agrément. C'est pour cette raison que cette catégorie des gens aura mérité par la grâce d'Allah et sa miséricorde d'être placée sous l'ombre du trône du tout miséricordieux dans cette situation épouvantable pendant que d'autres subiront le supplice, l'angoisse, la panique ainsi que l'extrême frayeur et la chaleur ardente et ce qui leur atteindra comme sueur. Et il sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que leur union et leur désunion ne se fit pour tous les deux que dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit, deux hommes qui se seront aimés pour Allah se seront rassemblés pour lui puis séparés pour lui. Ils se seront unis pour l'amour d'Allah et se seront désunis en amour pour lui. Puis l'élu sallallahu alayhi wa sallam a dit, mentionné lors de l'évocation des sept catégories de gens à qui il sera gracieusement attribué une place sous l'ombre du trône, un homme qui aura invoqué Allah sincèrement à tel point que ses larmes auront coulé. Il a craint son Seigneur et sa surveillance, ce qui a fait couler ses larmes sans vouloir pour cela l'ostentation ni adulation envers quiconque, mais uniquement par peur d'Allah azza wa jalla. Et du même exemple, sa parole, un homme qui aura fait don d'une aumône secrètement à tel point que sa main gauche n'aura pas su ce que sa main droite aura donné. Et la sincérité dans le dévouement lors de don d'aumône est très difficile à atteindre, sauf pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Et la lutte contre sa propre âme et contre l'ostentation et l'effort que l'on fournit afin de dissimuler les dons d'aumône sous la surveillance d'Allah et par peur de lui en espérant obtenir sa récompense subhanahu wa ta'ala, tout ceci fait partie de la concrétisation de la dévotion à Allah azza wa jalla, le Seigneur des mondes. Et aussi un homme à qui une femme de haut rang et belle aura fait des avances, puis l'aura repoussé en lui disant « Certes, j'ai peur d'Allah ». Et il n'y a pas de doute que la pulsion de l'homme penche vers la beauté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayr al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab ». On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, parmi les femmes, les enfants, les trésors thésaurisés d'or et d'argent, les chevaux racés, le bétail et les champs. Tout cela est objet de jouissance pour la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il n'y a un bon retour. Malgré cela, il l'aura repoussé et refusé ses avances et aura recherché refuge auprès d'Allah contre ce mal et aura dit, comme avait dit le prophète Yusuf, alayhi salam, ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Et elle essaya de le séduire, elle qui l'avait reçu dans sa maison, et elle ferma les portes et lui dit, viens, je suis à toi. Il lui dit alors, qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile, vraiment les injustes ne réussissent pas. Mais cela n'arrive qu'à ceux qui concrétisent la dévotion d'Allah Azza wa Jalla en se rappelant sa présence continuellement à chaque instant, la nuit et le jour, en secret publiquement, dans ses paroles, ses actions et sa soumission à Allah. Ainsi tu vois dans ce récit, du début à la fin, la concrétisation de la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces différentes catégories de gens, et que par sa cause, ils ont gagné les honneurs qu'Allah leur a fait azza wa jalla. Et l'appel des prophètes et des envoyés n'a été établi que dans le but de concrétiser la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les actions, petites ou grandes. Wallahu al-musta'an. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours, et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne peut être guidé. Ceci étant dit, il a certes été établi dans le récit rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, exposant clairement ceux qui méritent par leur dévotion cette faveur. Il dit alors, Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, où sont ceux qui s'aiment pour ma grandeur, le jour où je les placerai sous mon ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la mienne? Comme il a été rapporté par Muslim dans le récit de Abu Huraira radiallahu anhu. Et c'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque facilite à un nécessiteux le paiement d'une dette qu'il a envers lui ou lui annule, Allah le placera sous l'ombre du trône. Et dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit de Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je serai le chef de l'humanité le jour de la résurrection. Et savez-vous en quoi? Allah rassemblera les premières et les dernières générations sur une seule et même vaste terre, d'où tout le monde s'entendra et se verra. Et le soleil se rapprochera d'eux. Et les gens seront ainsi angoissés et affligés de ce qu'ils ne pourront endurer ni supporter. Alors certains parmi les gens diront à d'autres, ne voyez-vous pas l'état que nous avons atteint? N'allez-vous donc pas rechercher quelqu'un qui intercède en notre faveur? Et certains diront alors à d'autres, allez voir Adam. Ils se dirigeront alors vers Adam alayhi salam et lui diront, ô Adam, tu es notre père, le père de l'humanité. Allah t'a créé de sa propre main et il a insufflé en toi de parmi ses âmes. Et il ordonna aux anges de se prosterner pour toi. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas l'état dans lequel nous sommes? Ne vois-tu pas l'état que nous avons atteint? Et Adam leur dira alors, mon Seigneur est certes énervé aujourd'hui comme il ne l'a jamais été auparavant et comme il ne sera plus jamais après cela. Et il m'avait été certes par le passé interdit d'approcher l'arbre au paradis et je lui ai désobéi. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Allez voir autre que moi. Allez voir Nuh. Ils se dirigeront alors vers Nuh alayhi salam et lui diront, tu es le premier messager envoyé sur terre et Allah t'a nommé serviteur reconnaissant. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas l'état dans lequel nous sommes? Ne vois-tu pas l'état que nous avons atteint? Et Nuh leur dira alors, mon Seigneur est certes énervé aujourd'hui comme il ne l'a jamais été auparavant et comme il ne sera plus jamais après cela. Et j'avais une invocation accordée que j'ai utilisée contre mon peuple. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Allez voir autre que moi. Allez voir Ibrahim. Ils se dirigeront alors vers Ibrahim alayhi salam et lui diront, ô Ibrahim, tu es le prophète d'Allah et son ami intime parmi les gens sur terre. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas l'état dans lequel nous sommes? Ne vois-tu pas l'état que nous avons atteint? Et Ibrahim leur dira alors, mon Seigneur est certes énervé aujourd'hui comme il ne l'a jamais été auparavant. Et comme il ne le sera plus jamais après cela, et j'ai menti par le passé à trois reprises, je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas, je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas, je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Allez voir autre que moi, allez voir Moussa. Ils se dirigeront alors vers Moussa alayhi salam. Et lui diront, ô Moussa, tu es le messager d'Allah. Allah t'a favorisé par rapport aux gens en t'ayant délégué son message afin que tu le transmettes. Et aussi par le fait qu'il t'a directement parlé sans intermédiaire. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas l'état dans lequel nous sommes? Ne vois-tu pas l'état que nous avons atteint? Et il leur dira alors, mon Seigneur est certes énervé aujourd'hui comme il ne l'a jamais été auparavant et comme il ne le sera plus jamais après cela. Et j'ai tué quelqu'un par le passé qui n'avait pas été commandé de tuer. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Allez voir autre que moi. Allez voir Isa. Ils se dirigeront alors vers Isa alayhi salam et lui diront, ô Isa, tu es le messager d'Allah et sa parole qu'il a insufflée à Mariam ainsi qu'une âme qui provient de lui. Et tu parlais aux gens alors que tu étais dans le berceau. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas l'état dans lequel nous sommes? Ne vois-tu pas l'état que nous avons atteint? Et il leur dira alors, mon Seigneur est certes énervé aujourd'hui comme il ne l'a jamais été auparavant et comme il ne sera plus jamais après cela. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Je ne m'occupe aujourd'hui que de mon propre cas. Allez voir autre que moi. Allez voir Mohammed. Ils se dirigeront alors vers moi et me diront, tu es le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et Allah t'a pardonné tous tes péchés. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas l'état dans lequel nous sommes? Ne vois-tu pas l'état que nous avons atteint? Je partirai alors et irai sous le trône et me prosternerai pour mon Seigneur. Puis il m'éclairera et m'inspirera de ses louanges ainsi que de bonnes éloges qu'il n'avait jamais révélées à personne d'autre auparavant et avec lesquelles je l'invoquerai. Puis il me sera dit, oh Mohammed, relève ta tête, demande, je te donnerai, intercède, j'accepterai ton intercession. Et tout ceci jusqu'à la fin de ce récit. Donc seul sera préservé de ce jour brûlant celui qui aura concrétisé la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Ainsi, dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit de Abu Sufyan Sakhar ibn Harb, radiyallahu anhu, lorsqu'il fut interrogé par Héraclius au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, que vous commande-t-il? Abu Sufyan répondit, il dit adorer Allah et ne lui associer rien et délaisser ce que disaient vos ancêtres. Et il nous ordonne d'accomplir la prière, de faire des aumônes et d'être décent et d'entretenir les liens de parenté. Et il est mentionné dans ce récit toutes les affaires relatives à la religion islamique comme adoration d'Allah qui englobe l'ensemble des choses qu'Allah aime et agrée. Adorer Allah et ne lui associer rien et délaisser ce que disent vos ancêtres. Cessez donc de suivre aveuglément les mécréants et de les imiter. Quand bien même il ferait partie de vos proches, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha radiyallahu عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui se lient d'amitié avec ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. À cela, Allah a décrété la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. Et il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils y demeureront éternellement. Allah les agrée, et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah, certes le parti d'Allah, et vraiment ceux qui réussissent. Serviteur d'Allah, il est obligatoire pour chaque individu de désirer ardemment la concrétisation de la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Azza wa Jalla, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône obligatoire, la zakat. Et voilà la religion de droiture. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصين له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dis, il m'a certes été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Dis, certes je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Ne vous ai-je pas engagé, ô enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, mais plutôt de m'adorer moi, voilà le chemin bien droit. Walhamdulillahi rabbil alamin.